Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Dernière émission pour l'année 2018. Mon nom est Luc Desormeaux et Marc va me rejoindre un peu plus tard dans le deuxième bloc parce qu'on commence cette semaine avec, on se l'était promis qu'on se parlerait une dernière fois avant la fin de l'année. Donc on va rejoindre Martin Archambault de l'AVEC pour parler voiture électrique. Salut Martin. Salut Luc, ça va bien? Ça va très bien et toi mon cher? Ah, ça va numéro un, j'espère que tes cadeaux de Noël sont tous achetés. Ouais, c'est un peu difficile avec l'âge que mon gars est rendu présentement. Tu lui dis, qu'est-ce que tu aimerais avoir pour Noël? Et c'est comme des points d'interrogation dans les yeux. Donc, c'est un peu plus difficile, mais bon, on va s'en sortir. Au moins, dis-toi qu'aujourd'hui, tu es capable de tout commander par Internet puis de te le faire livrer chez vous. Au moins, tu peux aller faire le zouf dans les magasins, le line-up pendant 45 minutes juste pour payer une gogosse à 30$. Là. Juste ouais. Ça, moi, j'en profite. La technologie est mon ami pour ça. Ouais, ça, mais j'aime quand même ça, acheter local. Mais tu sais, il y a bien des choses dans notre coin où local, ça se trouve pas. Là. Donc oui, je vais commander par Internet dans ce temps-là. Mais si je peux acheter local, j'aime ça acheter local. C'est sûr que c'est un bon move. Mais des fois, Amazon, c'est un bon plan B quand tu trouves rien ailleurs. Et exact. Des fois, d'autres magasins en ligne quand Amazon ne l'ont pas. Ouais, mais commandant en ligne, tu n'es pas obligé d'être chez Amazon. Hein? Ça peut être il y a un libraire, disquaire fort connu du Québec qui a une belle boutique en ligne. Il y en a plein d'autres. Donc, on encourage quand même une entreprise du Québec, mais on n'est pas toujours obligé d'aller faire le pied de grue d'un centre d'achat un 20 décembre. Ouais. Stationner à 1,5 km de. À se faire rentrer des paniers en arrière des jambes parce que les gens sont pressés. Ouais, non, ça, c'est pas quelque chose qui me manque. Donc, Martin, on va parler voiture. On va commencer avec une nouvelle, assez intéressante qui vient de chez Volkswagen, qui abandonnerait les moteurs thermiques, donc les moteurs à essence. Oui, en effet, Volkswagen qui a une pression que d'autres manufacturiers n'ont pas, c'est-à-dire le désir profond de faire oublier un peu le Dieselgate. Oui, donc petit problème. On doit montrer patte très blanche. Oui, c'est ça, une tache au dossier qu'on appelle ça. Et ça n'empêche pas que tous les manufacturiers ont une certaine pression à s'en aller vers les véhicules électriques, là, je pense, mais dans le cas de Volkswagen, peut-être un empressement un peu plus rapide à faire des annonces. Donc, ils ont annoncé dans une conférence de presse qui a eu lieu là, il y a une semaine ou à peu près en Allemagne. C'est le directeur là, de la stratégie Volkswagen, Michael Joss, qui a déclaré que la génération de voitures à moteur à combustion de Volkswagen, qui est en cours de développement et qui va être introduite probablement aux alentours de 2026, là, c'est pas pour demain matin quand même. Non. Ça devrait être la dernière génération là, qui va être mise sur pied. Donc, c'est la dernière plateforme, si tu veux, pour voiture à combustion, là, avec moteur à combustion. Fait que ça veut pas dire que c'est en 2026 qui est la dernière année que Volkswagen va vendre des voitures à essence, parce qu'il faut comprendre que quand on développe une plateforme, on l'utilise pendant une couple d'années après ça. Donc, il va y avoir au moins une dizaine d'années là où Volkswagen va rouler. Fait qu'on peut s'entendre à ce que en fin 2030, là, ça soit pas mal les dernières années de voitures. En tout cas, s'ils maintiennent leur plan de match, les dernières années de fabrication de voitures à combustion pour Volkswagen. Oui, mais il va y avoir des transitions d'ici à ce temps-là. Donc, on va voir apparaître. Puis ça va être vrai de probablement tous les constructeurs majeurs là, où ils vont tranquillement lancer des nouveaux produits électriques, soit un peu une combinaison là, de la Golf qui va être disponible soit à essence, soit électrique, ou peut-être le Tiguan, soit à essence, soit électrique, jusqu'à temps qu'on puisse faire le virage complètement électrique. Là. Mais on n'est pas rendu là encore. Là. Ça va prendre encore un certain temps, mais au moins on voit une volonté de changer un peu les choses en s'en allant vers une motorisation un peu différente. Il y a Fiat aussi qui a annoncé, là, je pense que c'est cette semaine ou la semaine passée, qu'il allait changer aussi puis avoir des voitures, plus de voitures électriques. Donc Fiat, Chrysler, Jeep vont avoir plus de voitures électriques ou hybrides dans leur flotte. Ça sera pas tellement difficile parce que présentement, il y a la Pacifica. Puis il y a la Fiat 500 électrique, mais faut en trouver parce que c'est vraiment en quantité très, très limitée. Mais là, il va avoir vraiment une Fiat 500 électrique qui serait disponible partout dans le monde pour tout le monde, puis fait que même là, FCA, qui est Fiat Chrysler Automobile, s'en va vers ça. Oui, tout à fait. Ça va être, c'est le futur, là, pas nécessairement 100% électrique toujours, mais au moins avec une forme d'hybridation légère ou plus poussée. Là, c'est presque tous les constructeurs s'en vont vers ça. Même Toyota s'en va vers ça en Europe. La nouvelle Corolla, puis la... Il y a deux modèles. La Corolla, puis un autre modèle. Je pense que c'est le C. J'ai toujours de la misère avec le CHR, qui va être plus de motorisation uniquement à essence. Ça va être des motorisations hybrides de base. Donc, tu vas avoir un moteur essence et électrique. C'est la technologie de la Prius finalement qui s'en va dans d'autres véhicules. Fait que même Toyota commence à faire le changement. Là, en Europe, c'est annoncé. Là, il y aura pas les modèles à essence, pour 100 essence, pour ces deux véhicules-là ne seront pas disponibles. Tout à fait. C'est le début du virage, disons. C'est ça. On va espérer que le virage se prenne bien et qu'on ne prenne pas le champ en chemin. Ouais. Donc, c'est bon. Si on continue, il semblerait que les prix des batteries sont en chute. En chute libre. En fait, tu sais, il y a plusieurs facteurs qui expliquent le prix. Quand on parle de prix des batteries, on parle des batteries de traction qui font rouler les voitures électriques ou hybrides branchables. Donc, c'est une partie importante du prix d'une voiture électrique. En fait, tout le monde sait que le nerf de la guerre, c'est les batteries sur plein d'aspects. Bien sûr, leur capacité à emmagasiner de plus en plus d'énergie, donc de pouvoir faire plusieurs centaines de kilomètres avec une seule charge. Ensuite, la vitesse à laquelle on est capable de la charger. Donc, c'est bien beau mettre une piscine plus grosse, mais si on ne met pas le tuyau plus gros pour la remplir, ça prend une éternité de la charger. On règle un problème en en créant un deuxième. Donc, c'est une autre chose sur laquelle les manufacturiers doivent plancher. Une troisième chose sur laquelle ils doivent plancher, c'est la densité énergétique, c'est-à-dire emmagasiner le plus d'énergie possible dans la plus petite surface, le plus petit volume possible de batterie. Donc, oui, il va y avoir des batteries qui peuvent accumuler beaucoup d'énergie, mais faut pas que la batterie pèse plus pesant que l'auto puis soit plus grosse que l'auto elle-même. Donc, faut faire des batteries de plus en plus denses énergétiquement parlant. Puis quatrièmement, je dirais, c'est de voir à quel prix on est capable de faire ces batteries-là. Et c'est justement de ça dont on parle. Donc, si on regarde une bonne vieille Nissan Leaf de première génération, là, on roule, on a 24 kWh, oui, puis avec le prix où la batterie se vend, ben c'est facilement 250 à 300 $ le kWh, la batterie. Et là, Tesla est arrivé il y a quelque temps avec la fabrication de sa Gigafactory, donc c'est une méga usine de fabrication de batteries. Le but avoué de Tesla était de faire chuter le prix des batteries, donc fabriquer tellement de volume, évidemment de la bonne recherche et développement, donc un produit de qualité, et le produire avec tellement de volume que le prix plancher va se mettre à descendre, ce qui va avoir pour effet d'entraîner également les autres fabricants de batteries qui voudront garder évidemment leur marché. Ça va les forcer à produire des batteries à prix beaucoup plus concurrentiel. Donc, on a senti cette traînée-là dans la dernière année et demie. Et là, il y a des entreprises, entre autres en Chine, qui prétendent être presque rendues. Et quand ils disent presque rendues, là, c'est que d'ici un an et demi à peu près, pensent pouvoir livrer des batteries à prix aussi bas que 100 $ le kilowattheure. Ça, 100 $ le kilowattheure, là, si vous faites un petit calcul rapide, une Nissan Leaf de nouvelle génération qui a une batterie de 40 kWh, ça veut dire 4000 $ pour la batterie. Ça, c'est à peu près la moitié moins cher qu'une batterie de Leaf actuelle de 24 kWh. Donc, c'est sûr que c'est un game changer parce que là, tu es rendu où ce qui coûte cher dans l'auto a tellement baissé de prix que la différence de prix par rapport à ce que coûte une voiture à essence dans laquelle, bon, il y a des pièces que tu n'as pas besoin dans la voiture électrique, donc tu enlèves ça, tu enlèves le moteur à combustion, tu le remplaces par un moteur électrique, c'est pas ça qui est des plus dispendieux. Mais là, tu rajoutais des batteries qui, elles, coûtaient très cher. Là, si tu descends le prix des batteries, tu commences à approximer un coût de fabrication qui est beaucoup plus proche du coût de fabrication parce que la pièce la plus importante coûte moins cher. Tu as un prix de fabrication qui s'enlève à celle de la voiture à essence, d'où le fait que ça pourrait devenir un game changer à partir du moment où tu as acheté la voiture, une voiture électrique, te coûte à l'achat le même prix. Parce que là, actuellement, on dit souvent, hein, coûte plus cher à l'achat la voiture électrique, mais moins cher à l'utilisation. Donc, au final, ça va vous revenir moins cher. Ça peut vous revenir moins cher, mais c'est à l'utiliser que tu sauves de l'essence, donc que tu remets de l'argent dans tes poches. Ouais. Si à la sortie du concessionnaire, tu es déjà à peu près au même prix, là, c'est sûr et certain que tu sauves de l'argent, puis en partant, tu sais. Ça devient donc rentable dès que tu pars de chez le concessionnaire, pas comme 2-3 ans après, là. Exactement. Donc, c'est un peu, puis on sait que les batteries vont grossir un peu. Ça, à un moment donné, ça va stagner, là. On ne mettra pas, tu sais, 5000 km d'autonomie dans une auto pour rien. Mais on sait bien qu'on s'en va vers un 500-600 km. Là. On va vouloir avoir une autonomie semblable à l'autonomie d'une voiture à essence. Qui dit batterie plus grosse, dit batterie plus chère. Donc, si on est capable de baisser le prix de façon substantielle pour être capable d'avoir une autonomie semblable à la voiture à essence pour un prix semblable à la voiture à essence, ben c'est un bel objectif marketing, je pense, que toutes les compagnies veulent atteindre. Donc, si effectivement on atteint 100 US par kilowatt-heure de batterie d'ici un an et demi, deux ans, là, c'est un gros game changer pour le monde de la voiture électrique. Ben, c'est sûr, parce que comme on dit présentement, c'est les batteries qui coûtent cher. Puis souvent, le monde va regarder une voiture, puis une voiture électrique normale, qui n'est pas une voiture hyper luxueuse, va coûter 40, 50 000 $ peut-être. Puis tu regardes, mais tu n'as pas une voiture à 50 000 $ tu as une voiture à 30 000 $ avec une motorisation à 20 000 dedans. T'sais. C'est ta motorisation qui te coûte cher, c'est tes batteries qui vont te coûter 15 000 là-dedans. Fait que si tu enlèves ce facteur-là, puis ta voiture électrique te revient beaucoup moins cher. Puis ça va être plus difficile pour les gens de dire « Ouais, mais une voiture électrique, c'est bien trop cher. » Tu sais, regarde la différence de prix. Si on est capable de ramener ça plus près à un véhicule normal. Et ça va peut-être aussi rendre possible le fait que les gouvernements vont pouvoir retirer tranquillement les incitatifs pour que les gens s'achètent une voiture électrique. Parce que ça va devenir comme un choix. Est-ce que j'achète un moteur à essence ou j'achète un moteur électrique? Parce que ça va être à peu près le même prix. Tout à fait, ouais. T'sais, mais c'est ça que ça va prendre à un moment donné. Puis avec le volume, avec le nombre, tu sais, quand ils se vendaient 1000 voitures électriques dans le monde dans un an, les batteries coûtaient cher à produire. Et quand ils se vendent 1000 voitures électriques par province dans un an, c'est une autre affaire. Hein. On vend autrement plus d'auto électriques maintenant qu'on en vendait avant. Donc, avec le volume, vient aussi des rabais d'échelle. Puis on sait que ça va s'accentuer de toute façon. Recherche et développement ou non, le rabais d'échelle va s'appliquer. Mais en plus, il y a de la recherche qui fait que ça coûte moins cher produire un kilowattheure d'accumulation d'énergie que ça coûtait dans le temps. Fait que ça va baisser, évidemment. C'est ça. Bon, on va voir ce que ça va donner. C'est probablement intéressant pour les années futures. Aussi, dernière nouvelle, on a Audi qui a présenté un VUS 100% électrique, quelque chose d'assez intéressant qui va venir jouer dans les plates-bandes de Tesla et probablement dans celle de Jaguar aussi qui vient de sortir le I-Pace avec le Audi e-tron. Je vais essayer de bien le nommer en anglais. 2019. Ouais. Évidemment, hein, on fera pas de blague là-dessus, mais On pourrait, mais Audi gagnera pas un prix marketing en français. En tout cas, on peut être manqué d'analyse internationale au moment de nommer leur voiture. Quoi qu'il en soit, évidemment, tu as tout à fait raison quand tu dis que ça vient jouer dans les plates-bandes des grands, parce que là, on parle vraiment d'un VUS à la fois de qualité, là, haut de gamme, et à la fois avec des performances fort intéressantes. Donc, on parle d'un véhicule qui va être quoi? Quelque chose comme semblable un peu au Q7 ou quelque chose du genre. Quelque chose comme ça, oui. Probablement quelque chose comme un grosseur d'un Q7. On parle de 417 km d'autonomie. Là. On commence à parler. On parle d'un chargeur rapide de 150 kW. Présentement, la Leaf, elle a quoi? 60 kW, le chargeur? 50. Ben, c'est-à-dire que le véhicule accepte des recharges rapides de 50 kW. Ouais. Mais par contre, il y a certains véhicules sur le marché actuellement qui acceptent un peu plus. Aller jusqu'à 90 kW, par exemple, je sais que les nouvelles voitures Hyundai là, vont être performantes à ce niveau-là. Là, évidemment, je fais abstraction de Tesla, qui ont un système à très haute vitesse là, qui est performant aussi, mais ça s'en vient, puis on sait que c'est vers là que ça s'en va. Les chargeurs vont devenir avec plus de puissance parce que les batteries étant plus grosses, si on va être capable de les charger dans un délai, je disais tantôt, si tu mets une piscine plus grosse, ça prend un tuyau plus gros pour la remplir dans le même temps, ben ouais. C'est exactement ça qu'ils font, mais encore faut-il que le véhicule le prenne. C'est-à-dire que tu pourrais mettre une batterie très grosse, mais qui accepte pas plus que 50 kW de recharge. Là, au moins, Audi ont été assez intelligents pour mettre une batterie qui est pas mal plus grosse, mais de lui permettre de se faire charger à une vitesse beaucoup plus vite, à 150 kW. Là, premièrement, faut le dire d'entrée de jeu, on n'a aucun chargeur de cette puissance-là au Québec au moment où on se parle. Les chargeurs rapides, c'est des chargeurs de 50 kW, mais en test, en 2019, il va y avoir des chargeurs, ce qui est appelé sous le nom de code chez Hydro-Québec, des burcs, là, des bornes ultra rapides dans le courant continu. Donc, il va y avoir des burcs à 100 et probablement un peu plus haut, 100 ou 175 kilowatts de puissance. Donc, sur une borne comme celle-là, ben, le véhicule pourrait se recharger donc à 150 kilowatts. Donc, à la grosseur de la batterie qu'il a, là, on peut penser qu'une grosse batterie comme ça va se charger à 80% de sa capacité en quoi, 20 minutes ou quelque chose comme une demi-heure. Quelque chose comme une demi-heure. On aime beaucoup le 80% en 30 minutes. Ça a l'air, peu importe les technologies de batterie, on essaie toujours d'aller vers un 80% en 30 minutes. C'était ce qu'on disait avec les livres d'ancienne génération, avec le chat des mots. C'était 80% en 30 minutes. Puis on l'air resté avec ça un peu. La différence, par contre, c'est qu'avec une livre de première génération, après ta demi-heure où tu t'étais donné 80%, tu pouvais faire quoi? Quelque chose comme 100 km. Là, tu vas pouvoir en faire 350. C'est ça. Il y a une grosse différence là. Donc, par exemple, dans une ride où tu es parti de la région de Montréal, puis tu t'en vas à Québec, puis tu n'étais pas pleinement chargé quand tu es parti, évidemment, puis que tu dis « je vais arrêter un peu », ben tu vas arrêter 5 minutes, puis tu vas te redonner 104 km d'une shot. Là. Tu sais, ça va commencer à être intéressant. Là. Ouais, c'est ça. Non, puis ça va être intéressant. On parle d'un véhicule qui va avoir en mode sport, là, 402 chevaux, 490 livres-pieds de coupe. C'est un peu moins... Ben, c'est similaire en puissance au Jaguar E-Pace, mais le couple du Jaguar E-Pace, on est à 500 quelque chose. Là, fait qu'on on est un peu plus haut en couple. J'ai hâte de voir ce que ça va être. J'aurai probablement pas l'occasion de le conduire parce que c'est un Audi. Là. J'ai pas nécessairement l'occasion de conduire des Audi, mais j'ai l'impression que ça va être assez intéressant comme véhicule. Là. Une batterie de 95 kWh, donc ça va permettre, c'est ça, 417 km qu'on disait. C'est ça, on est dans, à peu près dans le range des P90 ou P100 de Tesla. Donc, c'est ça, on a des autonomies. En fait, c'est tout est une question de poids de véhicule aussi, puis de conditions de conduite, mais je serais pas surpris qu'avec ce véhicule-là, on puisse atteindre... 500 km, d'après moi, là, dans certaines conditions. Là. Tu sais, la taille de la batterie me permet de croire qu'on pourrait peut-être atteindre plus que l'autonomie. Il faut faire bien attention parce que quand les caractéristiques en termes d'autonomie annoncées du véhicule sont faites, ça dépend sur quel cycle c'est fait. Hein. Des fois, on voit des chiffres très différents pour le même véhicule, mais c'est fait sur un cycle européen, un cycle japonais. Puis c'est des façons d'analyser la performance attendue du véhicule en termes de kilométrage possible avec une pleine charge qui varie énormément et qui, dans certains cas, est pas très représentatif de la vraie vie. On a juste à penser à la livre de première génération qui, pour atteindre ce qui était dit, ça prenait... Tu pouvais l'atteindre une journée par année, le vent dans le dos en descendant une côte, là. Alors que sur la nouvelle... j'ai eu ma nouvelle au mois de mai, puis je te dirais jusqu'au mois de novembre, j'ai toujours fait plus que l'autonomie qui était annoncée du véhicule. J'ai jamais fait en bas de ce chiffre-là. Donc, on se rend compte que leur façon d'évaluer l'autonomie est devenue légèrement plus réaliste, là, mais tout dépendant des manufacturiers, ils l'expriment de façon différente. Donc, on va attendre des vrais tests concrets sur le terrain pour se lancer dans des chiffres trop précis. Mais on reste quand même avec cette grosseur de batterie-là dans les mêmes gammes de taille de batterie que les plus grosses Tesla sur le marché actuellement. Oui, ça va être intéressant. Puis on parle d'un prix, ça c'est un peu moins intéressant, là, mais de 90 000 $ de base. Donc. Oui, mais on parle, quand, si tu nous dis, hein, c'est pas un Dodge Caravan électrique. Là. Non, ça pourrait être intéressant, un Caravan électrique. Pardon. Oui, ben il n'y a pas loin, hein, il n'y a pas loin avec le Pacifica. Pacifica, oui, c'est ça. Ouais, hybride. On verra. On verra. De toute façon, on l'a dit plus tôt, Chrysler, Fiat Chrysler se lance vers ça, là, les versions électrifiées. On va voir ce que ça va donner dans le futur. Donc, Martin, c'est notre dernière c'est ta dernière intervention pour 2018, la mienne aussi. J'espère qu'on va pouvoir se reparler l'an prochain. Je te souhaite un merveilleux temps des fêtes avec les tiens. Et puis, comme j'ai dit, ben, j'espère qu'on va se reparler en début d'année prochaine. Ce serait intéressant. Ben, pareillement, mon cher Luc, à toi puis à tous tes auditeurs aussi là, de ton podcast avec qui j'ai la chance de parler par ton intermédiaire sur une base assez régulière. Je vous souhaite à tout le monde un joyeux temps des fêtes. Profitez-en. Puis soyez proches de votre famille, hein. C'est bien le fun, on parle de chars, puis on tripe ces chars, là, mais les gens avec qui on vit au quotidien, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, fait que profitez-en, puis moi aussi j'espère pouvoir te reparler en 2019, puis faire d'autres chroniques avec toi. Super, donc merci Martin, puis encore une fois, joyeux temps des fêtes à toi et à ta famille. Merci. Donc nous on va faire une petite pause pour revenir avec Marc et les essais de la semaine. Nous sommes de retour et on rejoint Marc Bouchard. Salut Marc. Salut mon cher. Tu as eu une petite pause pour le premier bloc, mais là je reviens te rechercher. Et puis ça va être spécial cette semaine parce que ça va être une émission 100% électrique. Parce que tu vas nous parler d'un véhicule 100% électrique que tu as essayé récemment, que j'ai eu la chance de conduire quelques minutes personnellement. Mais moi aussi je vais vous parler d'un véhicule électrique cette semaine. Mais on va commencer avec toi parce que ton essai est assez incroyable. Tu as conduit pendant toute une semaine le Jaguar I-Pace. Oui, d'ailleurs, ça a bien fait sourire les électromobilistes qui pensent depuis toujours que je suis contre les véhicules électriques. Ouais, ouais. J'ai publié un texte, entre autres, qui est sur mon blog, marcbouchard.ca, où j'écris une lettre au Père Noël pour lui demander de m'apporter un Jaguar I-Pace. Bon, c'est gentil. Parce que ça va arriver, ça me surprendrait par exemple. Il me reste quelques heures à rêver, fait que pète pas ma bulle, s'il vous plaît. OK. Puis, en tout cas, si vous pouvez juste m'amener une borne, ça serait déjà ça de gagner. Fait oui, effectivement, j'ai conduit le I-Pace et je dois avouer que j'ai été charmé. Charmé parce que d'une part, j'adore ce véhicule-là, j'adore le look, j'adore le style, j'adore la façon dont il est dessiné. L'espèce, tu sais, il y a quelques années, on nous avait présenté un prototype puis tout le monde disait ça sera jamais ça, ça sera jamais ça. Finalement, c'est exactement ça. C'est pas mal proche donc, en tout cas. Et c'est absolument magnifique. Le design est incroyable et tous les détails ont été pensés. Dans le capot avant, il y a un trou qui est un véritable trou. Là. C'est pas pour aller prendre l'air du moteur parce qu'évidemment, tu sais qu'un moteur électrique n'a pas besoin de cette aération-là. Donc, c'est vraiment une notion aérodynamique. C'est vraiment une façon d'éliminer la friction de l'air. Il n'y a pas à l'arrière dans la vitre d'essuie-glace parce qu'il y a un aileron en haut qui est troué et l'air qui glisse dans ces trous-là permet d'éliminer l'eau dans la vitre. Ouais. Donc, il n'y a pas d'essuie-glace. Alors, tu sais, tous les détails ont été pensés pour le design extérieur. À l'intérieur, pas sûr pour la neige, par exemple, mais... Non, honnêtement, ça a bien été. Là. Moi, j'ai eu de la neige quand je l'ai essayé, puis franchement, j'ai pas eu aucun problème. Okay. Ça fait vraiment un bon travail. Et à l'intérieur, ben, tu le sais, le design est tout aussi spectaculaire. Oui. C'est magnifique, c'est bien assemblé, c'est beau. C'est vrai qu'il y a des écrans tactiles un peu partout. Il y en a deux, en fait. Puis que faut que tu cherches un peu tes menus, parce que même pas mal tes menus, si je veux être honnête. Là. Ben oui. Pour certaines choses, c'est assez intense. Là. Quand je l'ai essayé, moi, il faisait, ben toi aussi, il faisait froid, c'était au test-fest. Puis à un moment donné, je voulais avoir les fesses au chaud, fait que j'ai cherché comment partir les sièges chauffants. Et c'est pas évident au début. Là. Un coup, tu le trouves, c'est comme, ah ben oui, c'est évident, tu sais, c'est correct, ça fait plein de sens que ça soit là, mais au début, c'est comme, bon, OK, dans quel écran faut que j'aille sur l'écran principal? Finalement, c'est pas sur l'écran principal, c'est sur les écrans d'appoint. Ouais, sur le petit écran en bas que, honnêtement, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, on finit par s'y faire, là, on finit par comprendre qu'on n'est pas les seuls, ouais. Mais bon, écoute, c'est un bien petit détail, je te dirais, parce que j'ai tellement aimé conduire ce véhicule-là, qu'il y a différents modes de conduite aussi, qui se conduit de façon très dynamique. Bon, là, avant d'aller plus loin dans la conduite et tout, faut parler de l'électrique. Ouais. Il y a dessus une capacité en théorie de 377 km. Ouais. Bon, écoute, il est supposé se recharger rapidement. Bon, écoute, c'est sûr que c'est vrai, j'ai pas de borne à la maison, donc je ne vous parlerai pas de mon usage quotidien parce que c'est pas représentatif. Puis, pour répéter à ceux qui l'ont pas compris, c'est parce que mon système électrique de maison a besoin d'une révision avant que j'installe une borne. Donc, ne me chicanez pas parce que j'ai pas de borne puis que je vous donne un exemple. C'est pas de ma faute. Bon. Non, c'est, même moi, j'ai une maison neuve, puis je te dirais que c'est un disjoncteur 40 ampères que j'ai mis là-dessus, puis c'était la dernière place que j'ai. Là. Fait que je peux imaginer sur une maison plus vieille, le panneau n'a pas été pensé pour ça. Non, non, pas du tout. Puis en plus, bon, ben, tu sais, ici, ça a été fait, là, ça date de quelques années. Alors, tu sais, j'ai des circuits où il y a une seule prise, par exemple. Donc, il faudrait tout que je réunisse ça. Ouais. Évidemment, ça prend un électricien, c'est quelques milliers de dollars d'investissement, tout ça. Pour le moment, j'en ai pas la nécessité. Non. Ceci étant dit, j'ai quand même, au moment où j'avais cette voiture-là, j'avais une semaine occupée. Une semaine où je devais aller à Montréal, entre autres, une semaine où je devais aller à Québec, une semaine où je devais me rendre à Drummondville à deux reprises. Okay. Alors, tu comprendras que c'est beaucoup de centaines de kilomètres. Mm-hmm. Normalement, c'est 377 kilomètres d'autonomie. Chargé à plein, je n'ai jamais excédé 250. Ouais. OK? Ça, là, c'est vrai qu'il faisait froid, j'en conviens, mais je n'ai jamais excédé 250. Okay. Ça, là, il me l'a jamais affiché, puis... Je suis allé sur DBRCC à un moment donné parce que j'ai pas eu le choix. Ma famille était bien contente d'aller souper au restaurant à quelques reprises parce que j'avais pas le choix d'aller utiliser. D'aller charger. C'est ça. Manger beaucoup de poulet. Ouais, non, mais en fait, heureusement, bon, petite plug, à Saint-Hyacinthe, ils viennent d'ouvrir un bâton rouge qui est voisin du Saint-Hubert. Ah, OK. Donc, on se branche au Saint-Hubert et on va manger au bâton rouge. Exactement. OK. Correct. Ben, tu payes pour ta recharge. Fait que théoriquement, je veux dire, que tu ailles manger n'importe où, tu payes quand même pour ta recharge. C'est sûr. Oui, que... oui, mais c'est. Saint-Hubert préférait que tu manges des côtes levées chez eux que des côtes levées chez bâton rouge, mais mettons. Ah, oh, c'est ça. Regarde. Mais là, en tout cas, bref, ça a pris quand même une heure et demie. Et au bout d'une heure et demie, j'avais 131 km de plus. Okay. Ce qui n'est pas beaucoup, tu en conviendras. Tu n'avais pas atteint le 80% de ta batterie, ça veut dire? J'avais pas atteint le 80% de ma batterie du tout, du tout. Okay, parce qu'à 80%, la BRCC va baisser de vitesse, fait que tu tombes à la même vitesse de recharge qu'une prise de 40 volts. Là. Fait que ça... tu n'as aucun avantage. Mais si tu n'étais pas rendu à 80%, il n'y a aucune raison que tu n'aies pas monté plus que ça. Là. Non, non, effectivement. Et ça m'est arrivé à deux reprises. Pas une, mais deux fois. Ouais, par temps vraiment froid, la batterie va se protéger puis elle va accepter moins d'énergie. Là, mais... Moins 5, c'est pas pour moi un temps vraiment froid. Non, non. Il y a peut-être quelque chose. Alors, puis c'était pas sur la même BRCC les deux fois. Parce qu'encore là, on aurait pu dire la BRCC peut-être qu'elle était défectueuse, peut-être qu'elle n'était pas à son plein potentiel. Okay, mais non, exactement. BRCC est différente. Puis au total, je suis allé sur 4 BRCC. Je me suis pas toujours rendu jusqu'à 80% bien sûr de recharge. Ouais. Et une fois, je me suis effectivement rendu à 80% de recharge, mais j'ai quand même jamais excédé 250 km d'autonomie. En fait, j'étais à 230 pour être précis. Donc, ça, c'est le côté qui m'a un peu désillusionné de la voiture, je te dirais. Oui, je sais, si j'avais eu une borne à la maison, elle aurait été branchée toute la nuit, probablement que le lendemain, elle aurait été presque pleine, puis bon, tout ça, je sais ça, mais ce que je vous dis, c'est que compte tenu du rythme avec lequel j'ai utilisé le véhicule, ça m'a posé un problème de cette nature-là en allant dans les BRCC parce que j'étais sur la route et j'ai pas été capable d'atteindre le maximum de recharge. Ouais. Ceci étant dit, c'est pas très grave dans la mesure où oui, ça a été long. Oui, ça m'a coûté cher de resto. Mais j'ai apprécié la conduite de cette voiture-là. Ouais. Et j'ai vraiment aimé cette façon de faire-là. Cette dynamique de conduite. J'en ai essayé des Tesla. J'en ai essayé d'autres chars. Puis là, les amateurs de Tesla vont me battre, là. Mais moi, j'ai préféré, et de loin, le comportement routier de la Jaguar. J'ai aimé beaucoup mieux le confort, la sophistication du véhicule. Honnêtement, je suis en amour avec ce véhicule-là. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Il y a des défauts. On a parlé de l'ergonomie. On a parlé de la recharge. La visibilité arrière dans l'espèce de croissant de lune qui sert de lunettes arrière. C'est pas toujours facile, mais c'est un véhicule que j'ai beaucoup aimé en termes de conduite. C'est un de mes coups de cœur de l'année, définitivement. Et même à 85 000 $ je pense que c'est un bon investissement si vous êtes dans le marché des véhicules de luxe, bien entendu. Parce que on ne se mettra pas les mains devant les yeux, là. C'est d'abord un véhicule de luxe. C'est d'abord un véhicule qui veut faire un statement. C'est beau, c'est le fun, c'est magnifique. mais c'est pas à la portée de tout le monde, on s'en doute. Non, mais il sort sacrément du lot, par exemple, quand tu le regardes. Ah. J'en ai, justement, cette semaine, je suis parti travailler un matin, puis j'en ai croisé un à Saint-Zotique, un Jaguar I-Pace, puis je voyais cette espèce de bête noire-là s'en venir vers moi, puis je me suis dit, je reconnais l'allure de la voiture, je reconnais comme la ligne, mais je pouvais pas mettre le doigt dessus, parce que je m'attendais pas à en avoir une, tu sais, dans la nature, comme ça, puis là, elle passe à côté de moi, je dis, hey, c'est un I-Pace, ça? Puis il a tourné à une grosse compagnie qui est pas loin de chez moi. Puis d'après moi, c'est le propriétaire qui s'est acheté un I-Pace. Là. Mais c'est vraiment. Ce voiture-là fait juste comme sortir du lot. Là. Le design est vraiment incroyable. Puis l'accélération, c'est viscéral. Là. C'est presque inconfortable. Là. Quand tu la mets en mode sport, là, c'est absolument spectaculaire. Là. C'est débile. Tu appuies sur l'accélérateur, là, puis ça te prend à l'estomac, là, ça te pousse les organes internes. Là. C'est vraiment capoté. Là. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir quand je l'ai conduit aussi. Là. Moi aussi. Alors, ouais. Si tu veux te déguiser en Père Noël, c'est lundi prochain. Mais bon, tu peux toujours rêver. Bon, ceci étant dit... Ouais, je pense que je vais en mettre une dans mon entrée avant d'en mettre une dans la tienne, par exemple. Moi, j'ai clairement dit à ma femme, si jamais on gagne à l'Automax ou peu importe... Là, je m'en vais me chercher un I-Pace, puis il s'en vient dormir dans mon entrée. C'est clair. Ouais, ça a été vraiment incroyable. Mais bon, c'est ça. Bon, voilà. Alors, ceci étant dit, si jamais je gagne l'Automax, je vais faire installer ma borne et je vais probablement changer de maison. En tout cas, ceci étant dit, toi, tu as essayé quelque chose de quand même beaucoup plus raisonnable. Là. Ben oui, beaucoup plus raisonnable, mais quand même, côté prix, pas tant, là. J'ai été au volant de la Chevrolet Bolt tout électrique de chez GM. On parle de 53 000 contre 85 000 de base. C'est sûr, mais on peut pas dire que c'est une voiture qui est abordable. Non, 53 000, c'est pas abordable. C'est pour ça que je dis pas tant. C'est sûr qu'on n'est pas dans le prix d'un Jaguar, mais on est quand même à 53 000. 40$ pour la version que j'avais entre les mains, taxes et préparation incluses. Là. Donc, c'est ouais. Quand même assez dispendieux. Le prix de base du modèle que j'ai était 49 600$. Oui, il y a des Bolt un peu moins chers si on prend la Bolt de base. Moi, j'avais la Bolt Premium là, avec toutes les possibilités d'options dedans. Mais c'est un véhicule que j'adore vraiment. Profondément, là, je crois que c'est un des très, très bons véhicule électrique sur la route aujourd'hui. Oui, en été... À part l'inconfort. À part les sièges. Je comprends pas qu'une voiture de ce prix-là soit aussi inconfortable. Mais c'est juste vraiment les sièges. Le restant est correct. Je veux dire, l'ergonomie oui. est bien. Tu sais, le confort de roulement, c'est vraiment très bien. C'est les sièges. J'ai l'impression d'être assis sur des sièges de plastique gonflés quand je m'assois dans cette voiture-là. C'est comme si, tu sais, ah ouais, Roger, là, embarque le compresseur, puis gonflé plein, là. Faut que ça soit dur, là. On a l'impression que c'est ça, là. Ou c'est, on a dit aux employés, tu sais, prends une ou deux poignées de plus de rembourrage, là, puis ah ouais, beau-moi ça, ces sièges-là, là. Ça a vraiment l'air de ça. Ça a l'air surrempli. Mais c'est vraiment la seule chose. Puis, c'est pas inconfortable, c'est juste comme bizarre. On dirait que t'es vraiment assis sur quelque chose de pas comme un siège d'auto. Là. Ça a l'air vraiment plus d'un lazy boy ou quelque chose de vraiment très, très rembourré. Mais pour le reste, je veux dire, c'est vraiment super comme voiture, là. Oui, non, effectivement, puis ça va très bien. Encore une fois, accélération intéressante comme toutes les voitures électriques, hein. Je veux dire, c'est pas, on réinvente pas la roue, là. Tu m'as du sport, pas spectaculaire, mais intéressant. Non, mais ça répond bien. C'est sûr que ton char d'essai était lettre, là, on va se dire les vraies affaires, là. Ton espèce de jaune fluo, jaune marqueur, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais ça serait pas... Pour un essai, c'est une belle couleur. Pour un jeune, c'est peut-être une belle couleur aussi. Avoir ça dans mon entrée pendant 5, 6, 7 ans, je suis pas sûr. Mais... Tes voisins taillerait ça, c'est pas ouais, ça. Faut-tu mettre une bâche dessus la nuit pour que les gens puissent dormir, là. Mais c'est assez drôle, j'étais allé faire mon épicerie au métro, puis au métro, ils ont deux bornes de recharge qu'ils ont fait poser, puis les gens peuvent se charger pendant qu'ils vont faire l'épicerie, puis c'est gratuit. Fait que j'étais arrivé avec la Bolt un moment donné, puis j'étais allé la brancher, j'étais allé la charger, puis j'étais allé à la SAQ, puis je m'en allais au métro après, puis il y a un monsieur qui revenait du métro, puis il dévisageait l'auto, là. Il a dévisageait. Fait que là, j'ai pas eu le choix, je l'ai regardé, j'ai dit, c'est subtil comme couleur, il dit, Ouais, il dit, je pense que dans une couple de semaines, dans ton entrée, tu vas être tanné de l'avoir. Je dis, ben, je dis, moi, je la retourne lundi, c'est un prêt, là, de toute façon. Je dis, j'achèterai l'auto, pas nécessairement dans ce couleur-là. Puis, tu voyais que les sourcils, ils marchaient un peu, il était pas trop sûr qu'est-ce qu'il fallait qu'il réponde à ça, là. Fait qu'il a rien répondu, puis il a embarqué dans sa Prius, puis il est parti, là. Il est resté poli. Il est resté poli. Mais c'est une couleur qui était vraiment frappante. Puis, j'ai mis des photos sur Instagram. J'ai dit, si vous voyez un petit reflet d'un nuage cette semaine, ben, je suis juste en dessous. Ah non, écoute, c'était voyant là. Ah non, c'était vraiment incroyable. Ouais. C'était vraiment incroyable. C'était pas c'est le genre de voiture avec laquelle tu roules pas 150 sur l'autoroute parce que c'est sûr que la police te spot. Ouais, mais ils vont tellement rire que je suis pas sûr qu'ils vont t'arrêter. Ouais, c'est peut-être pas. Check le clown dans son char. Mais pour le reste, la voiture, j'ai vraiment rien à dire. Le système de divertissement fonctionne bien. L'ergonomie de la voiture, c'est très bien fait. Il y a peut-être le petit bouton, là, Chevrolet sur l'écran, il y a un petit bouton qui a juste trois petits carrés ou trois petits cercles dedans. Ça veut absolument rien dire, mais quand tu touches à ça, c'est comme ça t'ouvre le menu complet de toutes tes options d'auto. Là. Il me semble que cette petite icône-là, je mettrais d'autres choses que des petits ronds. Là. Parce hey, quand on est rendu à gosser sur le dessin, on s'entend-tu pour dire que c'est parce que c'est un bien petit défaut? Non, c'est ça, c'est un petit défaut, mais c'est juste pas facile pour les gens qui savent pas c'est quoi nécessairement. Mais encore là, comme on dit, t'achètes l'auto, c'est deux jours après, tu sais exactement comment ça fonctionne. Là. L'autonomie, ouais. même en hiver, était très bien. Moi, j'ai une borne à maison, fait que c'est sûr, certain, je partais le matin, était pleinement chargé. Il y a un soir que je l'ai pas chargé du tout. Parce que je me chargeais dans la journée sur le 110 au bureau. Puis c'était juste par précaution. C'était pas parce que j'avais vraiment besoin. C'était juste pour, gars, je peux. Il y a des prises, fait que je peux le faire. By the way, juste pour qu'on complète le high pace sur le 110, là. Ouais. En 12 heures, j'ai eu 60 km. Ouais, c'est ça. Avec les grosses batteries comme ça, ça sert presque à rien. Mais tu sais, c'est juste pour. Ça garde ta batterie un peu chaude. Puis, tu sais, ça te donne un petit peu d'autonomie, là, mais c'est pas ça qui va faire vraiment une différence dans ta journée. Quoique 60 km, ça peut être assez pour te rendre où tu veux aller. Là, tu sais. Mais bon, fait que je la branchais au bureau, je faisais mes allers-retours. Normalement, là, une Bolt en été, tu peux faire 400 km assez facilement avec ça. J'ai déjà fait 444, puis il me restait encore de l'énergie dans la batterie. L'hiver, on perd environ 30%, je dirais, 25-30%. Je partais le matin, souvent, elle me donnait 300-320 km d'autonomie, mais aussitôt que je mettais du chauffage, on descendait à 275 à peu près. Mais c'est quand même 275-300 km d'autonomie qu'on est capable d'avoir en plein hiver, ce qui est bizarrement plus que ce que ton I-Pace te donnait. Oui, effectivement. Fait que, tu sais, GM, pour la Bolt, franchement, la motorisation qu'il y a là-dedans, les batteries puis tout ça, c'est un coup de circuit. Là. C'est vraiment comme ils sortent du lot. Ça va être drôle de voir là, ce que Nissan va annoncer avec la nouvelle Leaf, avec la batterie 60 ou 64 kWh. Là. Ça va être de voir ce que ça va donner. Là. Mais la Bolt, franchement, là, pour l'instant, à mon avis, c'est comme la voiture qui peut presque être utilisée à tous les jours par tout le monde puis qui va vous donner quand même assez d'autonomie. C'est sûr, si vous faites Montréal-Québec à tous les jours, il va falloir arrêter charger une ou deux fois, dépendant de la température. Mais pour le restant, là, les gens qui travaillent à Montréal, qui restent en banlieue, là, c'est une voiture, vous allez pouvoir faire votre aller-retour sans vous casser la tête. Puis avec une borne à la maison, le lendemain, elle va toujours être pleine. Vous allez toujours avoir au-dessus de 300 km d'autonomie, hiver, plus encore plus l'été. Je veux dire, il n'y a vraiment pas rien de négatif à cette voiture-là, à part le confort des sièges. Si GM pouvait travailler le confort des sièges et le prix, parce qu'il faut se le dire, là. Puis c'est pas une insulte à GM pour ça, mais tu sais, c'est une voiture qui vaut 53 000 $, mais on s'entend-tu que c'est une voiture à 35 000 avec une motorisation à 20 000 à peu près, là? Même 35 000, t'es généreux, là. On s'entend pour dire que c'est une sous-compacte, là. Oui, oui. C'est même pas une grande compacte, là. Mais tu sais, c'est une voiture qui est, dans les faits, une voiture moins chère. T'sais. Mais c'est la motorisation qui fait que la voiture est ce prix-là. Puis c'est pas la faute à GM, les batteries coûtent hyper cher. Là. Donc, tu veux mettre 400 km d'autonomie, mais ça se paye des batteries. Mais pour le reste, là, c'est vraiment un coup de circuit. Si c'est une voiture que vous regardez, allez l'essayer parce que c'est vraiment quelque chose de très très bien. Si c'est dans le format de voiture que vous cherchez, puis vous êtes sur la clôture, peut-être voiture électrique, oui, j'aimerais ça, mais peut-être que c'est pas assez pour moi. La Bolt, c'est pas mal certain que c'est assez pour vous. Là. Puis tout le monde l'a aimé. Même mon fils, il avait les sièges arrière chauffants. Il était content, là, t'sais, parce qu'il est gâté. T'sais, depuis un bout de temps, il est assez gâté. Là. Mais non, fait que finalement, la Bolt, moi, j'ai toujours aimé. Ça fait quelques fois que je la conduis. J'ai encore pas été déçu cette fois-là. Mais c'est la première fois que je l'avais en hiver avec des températures plus froides. Ouais. Puis, non, effectivement, j'ai pas conduit vraiment en hiver non plus. Là. Ouais, mais tu sais, j'ai pas eu de problème. Là. J'ai jamais pensé qu'en faisant mon 100 quelques kilomètres par jour, là, que j'allais manquer d'autonomie à un moment donné. Puis même sans la charger à la maison un soir, j'ai fait mon aller-retour, puis je l'avais branché au bureau, puis j'avais aucun problème. Là. Fait que c'est vraiment bien. Donc, moi, je donne mon petit pouce en l'air pour la boîte. Bravo, mon ouais. cher. Super. Donc, Mac, on va terminer là-dessus. C'est notre dernière émission pour l'année. Donc, oui. J'aimerais souhaiter aux auditeurs un joyeux temps des fêtes. Reposez-vous bien. Profitez-en bien avec vos famille et vos amis, c'est surtout ça, là. Je le disais sur l'autre podcast que j'ai fait hier, le podcast techno, c'est, tu sais, oui, Noël, c'est beaucoup commercial, c'est beaucoup des cadeaux, c'est beaucoup plus quelque chose de, ah, tu sais, qu'est-ce que je vais recevoir, tout ça, mais le plus beau temps, c'est de passer du temps avec sa famille puis ses amis. Des fois, des choses qu'on n'a pas le temps de faire pendant l'année parce qu'on est toujours la broue dans le toupet puis on est toujours en train de courir partout, là. C'est le temps de l'année pour, tu sais, passer du temps en famille avec vos amis. Si vous conduisez, s'il vous plaît, ne buvez pas. Ne soyez pas un de ceux-là. Comme je disais, vous avez le droit de pas être sage, mais vous n'avez pas le droit de pas être responsable. Ça, c'est ça. Ça c'est très bien dit. Donc, tu sais, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Marc, à toi aussi, avec ta famille. J'espère que tu vas passer un joli temps des fêtes. Tu vas bien te reposer. Ben, toi puis, aussi, j'attends mon iPace lundi soir. Je te souhaite sérieusement à tous nos auditeurs. On vous remercie d'avoir été avec nous cette année encore. On vous revient en janvier avec d'autres nouveautés et on va remplir nos promesses de sujets qu'on garde depuis quelques mois. Et on vous souhaite un très, très joyeux temps des fêtes à tout le monde. On revient la semaine du 7 janvier, c'est ça? Exact, ouais. Bon. Mais écoute, pour nous rejoindre ici ce temps-là, on peut quand même recevoir vos courriels à info@saroulradio.com. Bien sûr, vous pouvez lire mon blog marcbouchard.ca, me rejoindre sur Twitter à @marc_bouchard et rejoindre mon ami Luc. De quelle façon? Scalazormo sur Twitter, Luc Desormo sur Facebook, Desormo Luc sur Instagram. J'ai aussi un autre podcast dont j'ai un petit peu parlé tantôt quand j'ai dit que j'avais enregistré quelque chose hier, qui s'appelle Réalité Augmentée, où on parle jeux vidéo et technologie, puis des choses comme ça. Et puis j'ai aussi un canal YouTube, si ça vous intéresse, mais c'est plus techno, beaucoup imprimante 3D. Cherchez Luc Desormo avec le petit bonhomme dessiné avec un fond orange, c'est moi. C'est à peu près ça. Vous pouvez nous écouter aussi à travers Google Play, à travers iTunes, à travers Spotify, directement sur le site, si ça vous chante, au saroulradio.com, et puis sur deux radios web, sportradio.ca et Radio Média Plus. Donc, merci, comme Marc disait, de nous avoir suivis cette année, et on se donne rendez-vous en début d'année prochaine. Bye tout le monde. Bye bye. We'll be right back.